La critique a été dure, idée macabre qui fait peur, c'est sûr. Moi, la mort à chaque coup me rassure, je t'assure. Qui n'a pas un jour rêvé de voir un ennemi mourir? Au fur et à mesure, on y a tous pensé sans jamais assouvir ses pensées. Y aboutir, c'est tuer. Si un jour la guerre éclate, ça deviendra le métier le plus pratiqué. Les hommes s'abattent dans le monde entier, on apprend à tirer. On commence par des canettes et finit par des canets. Pour certains problèmes, on croit fort que la mort est une solution. Je récolte ce que je sème pour en tirer les fruits de la raison. Si mes textes sentent la mort, c'est qu'il y a une raison. Partout ça sent fort la merde, nous on vit dans un cocon. Les indiens croyant à la fin du sort et partaient mourir fiers de partir pour d'autres horizons. Comme cet animal que j'ai dû finir, la souffrance fut sa dernière prison. J'ai mis une balle dans la tête, il me fallait une raison. Depuis célèbre la fête des morts, que tout le monde prête attention. Demain tu seras peut-être de la fête si tu reçois ton invitation. Vivre avec la mort, je me suis fait une raison. On est tous déjà morts, je vis ma vie sans question. Je suis de plus en plus fort, il faudra faire attention. J'écris ma rime dehors, à l'abri de la vie. Avec la mort, vivre avec la mort, je me suis fait une raison, on est tous déjà morts. Le nom des groupes sans raison, je suis de plus en plus fort. Il te faudra faire attention, j'aiguise ma rime dehors, c'est là mon unique passion. Laisser faire le sort, un cimetière comme dernière maison. Et quand je regarde derrière, j'avance de plus en plus vite. J'évite les coups du sort et me cache plus derrière le shit. Et si je meurs un jour, c'est forcément que je le mérite. Mes dernières minutes ont été écrites comme la fin d'un couplet. Le bon Dieu comme maestro, j'ai intérêt bien chanter. Je suis embarqué seul sur un radeau et j'arrête pas de ramer. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais je me languis d'y arriver. Ce sera mon dernier combat, mais pas mon dernier CD. J'ai la rage en moi et je vais y accéder. Avec mon pote Segoua, on n'est pas prêt de s'arrêter. Tu nous entendras foutre le daroi dans ta radio, dans ta télé. C'est vrai, beaucoup n'y croient pas, mais c'est ce qui me fait avancer. Le challenge est lourd et j'entends crier Boumaillé. Et ouais, je cours toujours après la postérité. Je remets en place chaque jour celui qui sent plus péter. Laisse-moi sauter ton tour, déjà mort pour l'éternité. Déjà mort pour l'éternité. Vivre avec la mort, je me suis fait une raison. On est tous déjà morts, je vis ma vie sans question. Je suis de plus en plus fort, il te faudra faire attention. J'aiguise ma rime dehors, à l'abri de la vie avec la mort. Vivre avec la mort, je me suis fait une raison. On est tous déjà morts, le nom d'un groupe sans raison. Je suis de plus en plus fort, il te faudra faire attention. J'aiguise ma rime dehors, c'est là mon unique passion. Vivre avec la mort, je me suis fait une raison. On est tous déjà morts, je vis ma vie sans question. Je suis de plus en plus fort, il te faudra faire attention. J'aiguise ma rime dehors, à l'abri de la vie avec la mort.